nous allons retrouver le temps où l'on s'aimait, on s'aimait tant. Quand oublierons-nous le mauvais temps? Quand sauras-tu que je t'attends, que je ne peux oublier quand? Sonner avec ton pas, mon cœur ne battait que pour toi. Tout en moi te disait tout bas. Quand tu me tiens serré dans tes bras, tu peux aller où tu voudras, je serai toujours avec toi. Dis-moi quand, oh dis-moi.